juge à titre 8. Alors les hommes d'Éphraïm lui dirent, « Que veut dire ce que tu nous as fait, de ne nous avoir pas appelés, quand tu es allé à la guerre contre Madian ?» Et ils s'emportèrent fortement contre lui. Et il leur répondit, « Qu'ai-je fait maintenant au prix de ce que vous avez fait ? Les grappillages d'Éphraïm ne sont-ils pas meilleurs que la vendange d'Abiézé ? Dieu a livré entre à vos mains les chefs de Madian, or et Bézé de accent aigu e accent aigu b, or qu'ai-je pu faire au prix de ce que vous avez fait ? Et leur esprit fut apaisé envers lui quand il leur eut ainsi parlé. Or Gédon étant arrivé au Jourdain le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, lesquels tout là qu'ils étaient, poursuivaient l'ennemi. C'est pourquoi il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, au peuple qui me suit, quelques pains car ils sont là, et ainsi je poursuivrai Zeba et Tsalmuna, roi de Madian. » Mais les principaux de Sukkot répondirent, « La paume de Zeba et celle de Tsalmuna sont-elles maintenant en ta main, que nous donnions du pain à ton armée ?» Et Gédon dit, « Quand donc l'Éternel aura livré Zeba et Tsalmuna en ma main, je froisserai alors votre chair avec des épines du désert, et avec des chardons. » Puis de là il monta à Pénuel, et il tint les mêmes discours à ceux de Pénuel. Et les gens de Pénuel lui répondirent, comme les gens de Sukkot avaient répondu. Il parla donc aussi aux hommes de Pénuel, en disant, « Quand je retournerai en paix, je démolirai cette tour. » Or Zeba et Tsalmuna étaient à Carcor, et leurs armées avec eux, environ 15 000 hommes, qui étaient tous ceux qui étaient restés de toute l'armée des Orientaux, car il en était tombé mort si 20 000 hommes tirant l'épée. Et Gédon monta par le chemin de ceux qui habitent dans les tentes, du côté oriental de Noba et de Jobba, et défit l'armée, qui se croyait assurée. Et comme Zeba et Tsalmuna s'enfuyaient, il les poursuivit, et prit les deux rois de Madian, Zeba et Tsalmuna, et mit en déroute toute l'armée. Puis Gédon fils de Joa retourna de la bataille de la montée d'Éré. Et prenant un garçon de Sukkot, il l'interrogea, et ce garçon lui donna par écrit les principaux de Sukkot, et ses anciens, au nombre de 77 hommes. Et il s'en vint aux gens de Sukkot, et leur dit, « Voici Zeba et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant, « La paume de Zeba et celle de Tsalmuna sont-elles maintenant en ta main, que nous donnions du pain à tes gens fatigués ?» Il prit donc les anciens de la ville, et des épines du désert, et des chardons, et il enfroissait les hommes de Sukkot. Or il avait démoli la tour de Pénuel, et mis à mort les gens de la ville. Puis il dit à Zeba et à Tsalmuna, « Comment étaient faits ces hommes que vous avez tués sur le Tabor ?» Ils répondirent, « Ils étaient entièrement comme toi, chacun d'eux avait l'air d'un fils de roi. » Et il leur dit, « C'étaient mes frères, enfants de ma mère, l'Éternel est vivant, si vous leur eussiez sauvé la vie, je ne vous tuerais pas. » Puis il dit à Jéthé son premier-né, « Lève-toi, tue-les, mais le jeune garçon ne tira point son épée, car il avait peur, parce qu'il était encore jeune garçon. » Et Zeba et Tsalmuna dirent, « Lève-toi toi-même, et te jette sur nous, car tel quel homme, telle est sa force. » Et Gédon se leva, et tua Zeba et Tsalmuna, et prit les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Et ceux d'Israël dirent tous d'un accord à Gédon, « Domine sur nous, tant toi que ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Et Gédon leur répondit, « Je ne dominerai point sur vous, ni mon fils ne dominera point sur vous, l'Éternel dominera sur vous. » Mais Gédon leur dit, « Je vous ferai une prière, qui est que vous me donniez chacun de vous les bacs qu'il a eu du butin, car les ennemis avaient des bacs d'or, parce qu'ils étaient ismaélites. » Et ils répondirent, « Nous les donnerons très volontiers, et étendant un manteau ils y jetèrent chacun les bacs qu'ils avaient eu du butin. » Et le poids des bacs d'or qu'il avait demandé, fut 2 700 sicles d'or, sans les colliers, les boettes de senteur, et les vêtements d'écarlate qui étaient sur les rois de Madian, et sans les chaînes qui étaient au cou de leurs chameaux. Puis Gédon en fit un éphod, et le mit en sa ville, qui était Ophra, et tout Israël paillarda après lui en ce lieu-là, ce qui tourna en piège à Gédon, et à sa maison. Ainsi Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et n'éleva plus sa tête, et le pays fut en repos 40 ans au jour de Gédon. Jérubbaal donc fils de Joas en vint en sa ville, et se tint en sa maison. Or Gédon eut 70 fils, sortis de sa hanche, parce qu'il eut plusieurs femmes. Et sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, et il le nomma Abimélec. Puis Gédon, fils de Joa, mourut en bonne vieillesse, et fut enseveli au sépulcre de Joa, son père à Ophra des Abiézérites. Et il arriva après que Gédon fut mort, que les enfants d'Israël se détournèrent, et paillardèrent après les Baalins, et s'établirent Baal-Bérite pour Dieu. Ainsi les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis qui les environnaient. Et ils n'usèrent d'aucune gratuité envers la maison de Jérubbaal-Gédon, selon tout le bien qu'il avait fait à Israël.